approuve Nostradamus, les faux messies, les charlatans, qui depuis des années s'amusent à prédire la fin des temps. Qu'on écoute Paco Rabanne faire ses prophéties de malheur, le mercantile de ces dames fait de la pub de rigueur. Au demeurant, moi je m'en fous, car le monde s'est ébranlé. Déjà depuis le jour où vous m'avez lâchement laissé tomber. Les saints Jean et Mahomet peuvent chanter l'apocalypse. De mon côté, je m'en remets aux petits soins de mon pastis, qu'on ne convoque pas l'archange pour me faire part de ma foi. C'est inutile qu'il se dérange, je n'ai plus un clou à ma croix. Au demeurant, moi je m'en fous, car le monde s'est ébranlé. Déjà depuis le jour où vous m'avez lâchement laissé tomber. On invente des phrases sages pour bien se rassurer l'esprit, des éthiques qui nous ménagent la raison et tout ce qui s'ensuit. Qu'on nous lise des longs discours sur le bon-être de notre âme, et qu'on chante des chansons d'amour, bien entendu on cligne nos larmes. Au demeurant, moi je m'en fous, car le monde s'est ébranlé. Déjà depuis le jour où vous m'avez lâchement laissé tomber. Qu'on envahisse la France entière et qu'on fasse sauter les ponts, faudra y mettre la manière pour attirer mon attention. Qu'on assassine un président comme déjà par le passé, et qu'on bande court les méchants qui auront fait cet acte osé. Au demeurant, moi je m'en fous, car le monde s'est ébranlé. Déjà depuis le jour où vous m'avez lâchement laissé tomber. Qu'on appuie sur le bouton rouge pour engendrer Armageddon, et qu'on détruise toute la couche qui protège des mauvais rayons. Que l'on saccage notre planète, désormais cela ne me navre même plus et ça ne m'inquiète pas, mon état est sûrement grave. Au demeurant, moi je m'en fous, car le monde s'est ébranlé. Déjà depuis le jour où vous m'avez lâchement laissé tomber.